me sens comme s'il manquait 5 cordes sur la guitare. T'es en retard et tout le monde te regarde bizarre. Seul au milieu de 8 milliards, je me sens comme si j'avais pas compris l'histoire. Je ressens le vide dans mon âme, gris dans mon âme, comme un glitch en mon âme. Comme des voix dans mon crâne, comme si j'avais qu'un homme. Meuf et qu'ils ont tous la rage contre WAM. J'veux pas d'invite pour ta soirée, j'veux pas de top, pas de tea, j'veux pas parler. Où que j'arrive, tout ce que j'vis c'est m'en aller. Et j'ai rien contre toi, c'est juste moi. Tout fait ni chaud ni froid, j'me sens trop tiède. Comme si tout ce que j'touche c'est CTRL Z. Tu peux spoil la série, j'vois l'écran, j'vois les images bouger, mais y'a rien qui s'imprime. J'vois les lèvres bouger, mais en vrai j'écoute pas. J'suis en train de marcher, mais en vrai j'vais nulle part. Comme envie d'insulter des mères au hasard. Comme si j'étais suivi par un grand cafard. Dans le puzzle, comme qu'est-ce qu'ils veulent, comme je me sens mieux seul. Comme rien à foutre de ton deux feuilles, comme aveuglé par deux phares et chien chevreuil. Comme zéro, comme bulle, je me sens comme néant, comme raté, comme nul. Froid, comme y'a des gros trous dans le pull. Comme quand c'est tellement froid, ça brûle. Comme si ça veut dire que putain. Comme si me faire du mal ferait du bien. Mais ce que tu veux devant, ça me fait plus rien. Comme si j'étais pas un vrai humain. Ça me fait plus rien. Ça me fait plus rien. Ça me fait plus rien.